De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL au 89.1 bien sûr, et de l'Afrique, on passe maintenant à notre assiette, et plus particulièrement aux poissons qu'on met dans notre assiette, car ce sont parfois des espèces surpêchées ou menacées du fait des activités humaines diverses. Alors c'est le sujet de Benjamin Hallès, et je dois souligner, je suis contente de le souligner d'ailleurs, que Benjamin est allé soutenir avec brio sa thèse de doctorat en décembre dernier en France. Alors nous avons maintenant parmi nous un docteur en épidémiologie nutritionnelle. Félicitations Benjamin. Merci Valérie. Donc tu voulais parler des poissons qu'on met dans notre assiette, peut-être que c'est au détriment des océans. Tout à fait. Donc les spécialistes de l'écologie marine et les activistes de l'environnement nous alarment continuellement sur les risques des excès de la pêche massive de poissons. Certains poissons ont la côte dans nos assiettes, on le sait, et très récemment par exemple, un restaurateur japonais a acquis aux enchères un thon rouge de 250 kilos. Donc c'est pas mal de livres, je l'ai pas fait la conversion, pour une somme de 75 000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est ça. On sait que ce poisson est particulièrement délicieux dans les sushis, mais à quel prix pour la planète? Ouais. Et certains de ses aspects lucratifs représentent alors un véritable danger écologique. C'est une question que je pose et que je vais tenter de faire un point sur cette question à travers ma chronique. Mm-hmm. Donc c'est vrai, ça paraît quand même excessif. Un kilo de thon, donc si on fait le calcul avec les chiffres que tu as donnés, un kilo de thon à 300 $. Comment on en est arrivé là finalement? Qu'est-ce qui fait ce prix du thon? Alors en fait, l'estimation des rapports de 2012 du Comité scientifique international pour le thon et les espèces voisines dans le Pacifique Nord indique que le stock de thon capable de se reproduire était de 300 000 tonnes à la fin des années 1950 et au début des années aussi 1970, avant qu'il y ait une chute et pour qu'on arrive maintenant dans les années 2000 à un stock de 150 000 tonnes seulement. Mmh. Donc plus de la moitié de la population en moins en à peine 40 ans. Donc les marchés commence déjà à spéculer sur cette denrée qui pourrait se raréfier fortement. Et en fait, c'est ce qui contribue en partie à l'explosion de son coût d'achat. Donc là, ce qui vient rare devient cher. Donc, mais le thon rouge, est-ce que c'est la seule espèce concernée par cette consommation humaine massive? Parce que si on le pêche beaucoup, c'est parce qu'on en mange beaucoup peut-être aussi. Bah, oui, c'est vrai que c'est une espèce particulièrement concernée, mais il y en a bien d'autres. Et on pourrait citer aussi, par exemple, le saumon. C'est un poisson qui est assez présent dans les milieux aquatiques canadiens. Oui, donc le saumon, c'est surprenant parce que le saumon, on l'élève aussi, on le pêche en milieu naturel, mais on l'élève. Donc le saumon serait aussi menacé d'extinction, malgré qu'on entende quand même moins parler. Mm-hmm. Bah oui, tout à fait, en fait, mais c'est pas tous les saumons, c'est certaines espèces qui sont menacées, et particulièrement au Canada, il y a le ministère de la Pêche et Océans qui a dénombré 11 espèces de saumons en péril dans les régions des Maritimes, dans le Québec, les régions centre et arctique, mais aussi Terre-Neuve et Pacifique. Et là, est-ce que c'est seulement l'activité humaine qui menace la pérennité de ces espèces de poissons? Alors oui, l'activité humaine est en grande partie responsable de la menace d'extinction de ces espèces, que ce soit par la pêche directe, mais aussi par toute la pollution qui est causée par l'activité humaine. Les modifications du milieu de vie et de l'habitat sont aussi en cause. Et par exemple, on peut citer les effets néfastes même des fermes d'élevage de saumon commercial, donc d'autres espèces de saumon qui vont être introduits dans des milieux et qui vont attirer des prédateurs qui d'habitude sont absents de ces milieux. Mmh. Mais ces autres saumons vont aussi attirer de nouvelles maladies qui vont affecter les espèces de saumon sauvage. Et même les installations en fait, de ces fermes peuvent entraver des routes naturelles de migration des saumons. Mais alors, parce que là, on se retrouve finalement au Canada avec des saumons dans les milieux canadiens. Qui s'occupe de surveiller ces espèces en danger? Alors, il y a un organisme qui est le comité sur la situation des espèces en péril au Canada, qu'on appelle le COSEPAC, qui a été constitué suite à la loi sur les espèces en péril, une loi fédérale qui a été adoptée en juin 2002, et elle avait pour objectif initial d'empêcher la disparition des espèces indigènes, des sous-espèces et des populations qui sont distinctes au Canada. Mais elle prévoyait aussi cette loi, le rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées. Et enfin, la loi aussi devait favoriser la gestion des autres espèces, celles qui ne sont pas encore menacées, pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces en péril. Mmh. Donc le COSEPAC était l'autorité responsable de l'évaluation du statut de conservation des espèces sauvages en danger. de disparition au Canada. Et donc, qui sont exactement les gens qui œuvrent au sein de ce conseil, ce COSEPAC? Donc, les membres du conseil sont des universitaires, des spécialistes indépendants, les détenteurs des connaissances autochtones également, des biologistes qu'ils œuvrent au sein des gouvernements ou aussi qu'ils soient indépendants, et aussi des employés de musées. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait? En fait, ces spécialistes œuvrent au sein du comité avec plusieurs tâches qui peuvent aller, par exemple, de la constitution de banques génétiques afin d'assurer la diversité des espèces, jusqu'à faire des actions en fait dans les milieux, sur le terrain. Donc, ils vont par exemple gérer l'élevage des alevins, donc les bébés poissons, qui sont ensuite réintroduits dans les milieux. Ils peuvent aussi participer ou décider la création des passes à poissons, c'est-à-dire les installations qui vont favoriser le passage dans certains cours d'eau. Donc, il faut préciser que malheureusement pour l'écologie, une série de réformes environnementales du gouvernement actuel canadien a limité depuis 2012 les rôles de ce conseil, la COSEPAC. Et donc maintenant, ils ont un rôle seulement de surveillance des espèces de poissons d'intérêt pour la pêche commerciale ou récréative, ou alors encore celles qui sont utilisées par les autochtones. Oui, donc l'environnement a pris un petit peu, on a pris un coup depuis quelques années, effectivement. Et est-ce que ça a un impact sur la faune marine? Est-ce qu'on voit des progrès sur la protection de ces espèces, quand même? Alors, heureusement, oui, le tableau n'est pas complètement noir. Il y a les saumons kina, pareil, si je devais donner un exemple, c'est une espèce de poisson qui est présent dans la rivière Okanagan, au Canada. Donc, ils étaient classés en voie d'extinction imminente en 2005. Puis, suite à une réévaluation en 2006, on leur a donné un statut inférieur de danger. Ils sont passés donc en espèces menacées seulement. Donc, ça pourrait être attribuable aux efforts de sauvetage écologique. Ouais, donc il y a quand même des actions qui portent fruit, ça semble encourageant. Et si on s'accorde à vouloir protéger une espèce et imposer les limites, finalement, si on s'accorde à vouloir, c'est ça, imposer. Ben en fait, oui, les gouvernements sont capables d'agir, de mettre des limites, mais les lobbies sont parfois plus puissants que les gouvernements. Et par exemple, dans le gouvernement actuel, on a donné plus de pouvoir d'additionnaire à la Commission pour l'énergie si elle souhaitait implanter des installations électriques dans les milieux naturels aquatiques. C'est vrai. Donc, en fait, avant, c'était Pêche et Océan Canada, le ministère qui gérait l'écologie, qui surveillait l'implantation de ces installations et qui pouvait dire si elles étaient ou pas importantes pour la modification de l'environnement. Mais maintenant, ils ont un pouvoir limité et le pouvoir est redonné aux compagnies énergétiques. On a aussi un exemple en Europe, on a aussi des exemples en Europe, puis je pourrais en donner un assez récent. Le Parlement européen a tenté de limiter une pratique de pêche massive qui s'appelle le chalutage profond. Ouais. Donc c'est une technique en fait qui consiste à racler le fond des océans avec d'énormes filets et sans distinction d'espèces à capturer. Donc cette pratique, elle détruit lentement les écosystèmes sous-marins profonds et ça a été prouvé par de nombreux travaux scientifiques. Cependant, il y a des intérêts financiers énormes derrière. Et le Parlement européen a tenté donc de limiter ceci par un vote de loi et à quelques voix près, ils n'ont pas réussi à limiter cette pratique. Ouais, donc des deux côtés de l'Atlantique, on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut pour sauver les espèces de poissons. Et en plus, c'est difficile de contrôler une pêche en pleine mer parce que c'est quand même moins visible que le braconnage sur la terre ferme, par exemple. Oui, c'est vrai qu'en effet, on sait que la pêche au thon rouge, par exemple, dont j'ai parlé précédemment en Méditerranée, elle a longtemps été sous-déclarée. Il y a eu beaucoup de choses illicites qui ont été pratiquées. Et pour ce qui est du thon, c'est un poisson en fait en plus qui migre à travers les eaux de différents états qui possèdent chacun un système législatif différent et ça complique énormément la tâche quand on veut réguler parce qu'on est sur différentes zones géographiques. Et en tant que citoyen consommateur, est-ce qu'on devrait aussi apprendre à adapter notre consommation de ces poissons et peut-être à aller vers plus de variétés, pas toujours manger du thon rouge par exemple? Oui, c'est certain qu'introduire de la variété dans ces consommations de poissons pourrait peut-être limiter un peu cette hécatombe des espèces marines. Et en tant que consommateur, on a tout de même un minimum de pouvoir. Oui, effectivement. Donc, on peut l'utiliser, ce pouvoir-là. Et puis, peut-être aussi que varier les sources de poissons, ça rejoint certaines recommandations nutritionnelles. On nous dit, en général, qu'il faut varier notre alimentation. Donc, on peut le faire avec les poissons. Oui, exactement. La variété, c'est important en nutrition, comme tu viens de le dire. Et en fait, il y a aussi quand même une autre problématique nutritionnelle, c'est que on sait que le poisson est tout d'abord une source de nutriments essentiels, donc spécialement les poissons gras comme le saumon et le thon. Mais en même temps, ils peuvent aussi concentrer des polluants. Donc les nouvelles recommandations alimentaires en France, par exemple, prônent désormais une consommation ni inférieure ni supérieure à 2 portions de poisson par semaine, afin de rencontrer les besoins en nutriments essentiels qu'ils procurent. Mais il faut quand même limiter aussi l'exposition aux polluants de plus en plus retrouvés dans ces poissons. Ouais, on trouve du mercure, entre autres, hein, je pense. Ouais, exactement. C'est un des principaux polluants. Et donc, il faudrait, je pense, varier les poissons dans nos assiettes pour préserver nos océans et nos rivières, et si on veut continuer à se régaler avec les produits de la mer. Oui, c'est vrai, parce qu'avouez-le, c'est bon, un morceau de poisson, quand même. Et puis, de toute façon, mais s'il n'y a plus de poissons, il paraît que les méduses, elles prolifèrent. Alors, peut-être qu'on va apprendre à cuisiner les méduses. Peut-être, on ne sait pas. Merci beaucoup, Benjamin. De rien. On passe maintenant en pause musicale et on enchaînera ensuite avec Jean-Daniel Doucet qui nous parlera de la désextinction des espèces. Vous écoutez CKRL au 89.1.